La confrérie. Amélie ne s'attendait pas à une main d'applaudissements. Ils étaient une centaine au bistrot chez Lafrenière. Mickey, commandant, et tous les agents du centre opérationnel qui n'étaient pas en service cette nuit-là. Ils l'acclamaient fièrement, cocktail à la main. Certains sifflaient, d'autres lui criaient des bravos. Ils étaient tous là. Tant d'hommes forts et bienveillants, tant de femmes radieuses et attentionnées. Quelqu'un avait même hissé la bannière de la confrérie sur le mur du fond. Respect, intégrité, engagement. Pendant une seconde, Amélie ne sut comment réagir. Elle resta figée dans le cadre de porte à côté d'un palmier en plastique, tâtant le bout de sa jupe fleurie nerveusement. Elle replaça sa chevelure sans réfléchir, les mèches blondes chatoyant sous la lumière du plafonnier. L'ovation se poursuivit, tandis que commandant s'avança vers elle. Il avait l'air différent sans son uniforme, plus chaleureux. Il lui serra la main vigoureusement et lui tendit un mojito glacé. « Sergente !» lança-t-il affectueusement. « Je... » tenta Amélie, réalisant à peine qu'elle n'avait plus aucun grade. « Laisse-moi juste te dire !» l'interrompit l'autre familièrement. « Qu'on est tous fiers de toi. T'as fait ton travail et t'as pas à t'inquiéter de rien. Tu comprends? On est tous derrière toi !» Avant qu'elle ne puisse rétorquer quoi que ce soit, commandant lui fila une carte d'affaires. Elle jeta un coup d'œil ébahi. C'était une carte de la Hope Sec. C'est à ce moment qu'Amélie remarqua l'écran de télé au-dessus du bar. Il montrait les nouvelles du soir, un reportage spécial sur les émeutes. Au ralenti, cette policière en armure qui arrachait son propre casque et, à travers les volutes de fumée rance, ramassait un lance-grenade. « Il y a un poste qui t'attend !» ajouta commandant. « Quand tu seras prête, t'en as impressionné plus d'un, la croix. Et si ça se trouve, tu vas faire plus que moi. Ho ho !»« Merci pour tout !» bafouilla-t-elle. « Les poussées de crayon comprennent pas comment faire le ménage !» ajouta-t-il en fronçant les sourcils. « Sortir les vidanges ! Ils auront toujours besoin de nous, la croix. Des gens qui ont pas peur de se salir les mains !» Amélie porta les lèvres à son verre, goûta la mixture mentholée. D'autres visages se succédèrent, d'autres poignées de main, des accolades même. Des regards d'admiration se posaient sur elle, partout où elle allait, ponctués de vociférations d'insultes contre les puants de gauche et les bureaucrates de merde qui l'avaient expulsée du SOM. Tant de visages bronzés, de chevelures stylisées, de bijoux, de muscles, de parfums. C'est tout ce qu'il y a à faire avec les poilus, dit l'un. Il était temps que quelqu'un se tienne pour le bon monde, insista un autre. Son verre vide, un nouveau mojito fut immédiatement placé dans la main d'Amélie. Regardez ce qu'ils m'ont fait, grogna une lieutenante, tirant sur son décolleté pour montrer une ecchymose sur le haut de son sein. Tous riaient. « Une balle !» ajouta un lieutenant. « Puis t'envoies la facture à la famille !» « Oui, » confirmait Amélie, tentant, en vain, de retourner un sourire aussi lumineux. « C'est pas évident, hein, mais on n'a pas le choix. Puis pourquoi les gens comprennent pas ça ?» Tous les autres acquiesçaient, haussaient leur verre, hochaient de la tête. « T'en fais pas, » disaient-ils tous. « T'as bien fait, t'avais raison. » Amélie errait dans la foule, étourdie, légère, émue. En arrière-plan, les images au ralenti se répétaient à la télévision, sans cesse, selon différents angles. Lorsque Mickey apparut soudainement dans son champ de vision, attablé au fond du bistrot comme sur une île déserte, Amélie mit le cap en sa direction et, esquivant deux ou trois autres félicitations, finit par échouer à côté de lui comme une épave. « Sergent ?» lança Mickey, vraisemblablement souffrant. Il avait été sérieusement blessé. Des pansements couvraient le cou, une partie du visage, toute une main, comme une momie. « Mick ?» dit-elle. « Tu t'es enfui de l'hôpital ?» Permission spéciale, plaisanta-t-il. Et toi, comment tu te sens? Amélie fut bouche bée. Elle réalisa que c'était la première fois qu'on lui posait la question. Honnêtement, sans rien attendre en retour. Je sais pas, Mick, se surprit-elle tout à coup à répondre. Je pense que j'ai de la peine. Elle regretta immédiatement. C'était l'alcool. Ce n'était pas une bonne idée de s'exposer, de montrer sa faiblesse. Ça allait mal finir. Elle se ferait examiner, disséquer. Des gens en sarrau lui donneraient encore plus de médicaments. Mais contre toute attente, Mickey acquiesça tout bonnement, drainant une gorgée de bière. « Il y a eu des morts, » remarqua-t-il. « Je veux pas le savoir, » protesta Amélie. « Bah, » fit l'autre, sans faire de scène. « Je te comprends. » Amélie expira de soulagement. Ses joues étaient rouges. Instinctivement, elle détourna les yeux vers son cocktail. Il était encore vide. « Qu'est-ce qui est arrivé à la bataille de Caraï ?» osa Amélie. « T'as jamais eu le temps de m'expliquer. » Mickey haussa les épaules et contempla son verre d'un air circonspect. « Longue histoire, » répondit Mickey. « Une leçon d'humilité, mais c'est pas important. » Amélie n'insista pas. Elle avait mal à l'intérieur de la cuisse. Il fallait changer le pansement. Son regard était absorbé par les glaçons, les feuilles de menthe, l'ombrelle en papier de riz. « Peut-être que c'est juste la morphine, » admit Mickey. « Mais je me demande parfois qu'est-ce qu'on fait au SOM. Je veux dire, t'es raison, on en a tout plein. L'hypothèque, le respect, le gun. Mais c'est pas des bonnes raisons. Si on était vraiment là pour aider le monde, à un moment donné, il y aurait plus besoin de nous, non? Ou alors il embaucherait moins de copes. Mais à la place, ils coupent les banques alimentaires et avec le cash, ils nous payent des automatiques et des bonus au rendement. » Mais Amélie ne l'écoutait plus. Une myriade d'envies troublantes la submergeait. Des désirs, des émotions choquantes. Elle voulait ressentir quelque chose, n'importe quoi, se laisser aller. Pour qu'elle sache que c'était vrai, qu'elle existait. Dans la violence, elle saurait que quelque chose d'autre était possible. Peut-être un jour. Non, se répondit Mickey. On reçoit nos ordres, bing-bang, c'est fini. C'est tellement simple. Dans le fond, on n'est pas obligé d'avoir raison, on est juste obligé d'être fort. Et c'est tout? Tenta Amélie. C'est tout pour moi, soupira Mickey. J'abandonne. D'un trait, il termina sa pinte et la fit claquer sur la table avec sa bonne main. La police! C'est un autre gang de rue, conclut-il. Le gang de rue le mieux financé, le mieux organisé au monde.